Bonjour, je m'appelle Alexandre Escarguel, donc je suis enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université. Je suis physicien au laboratoire de physique des interactions ioniques et moléculaires. Donc l'expérience dont je m'occupe s'appelle Mistral, donc on est au laboratoire de physique des interactions ioniques et moléculaires à l'Université d'Aix-Marseille. Je travaille sur une expérience dont le but est de créer des plasmas magnétisés, c'est-à-dire des gaz très dilués auxquels on va arracher les électrons pour avoir une soupe de d'ions et d'électrons assez instable qui va émettre de la lumière, qu'on va entretenir. Et on va étudier le comportement de la stabilité de ce milieu dans un champ magnétique. L'objectif, c'est en fait, c'est une manip de recherche de physique fondamentale. On étudie la stabilité de ces plasmas. Alors c'est des plasmas, je n'ai pas précisé, ils sont dans des champs magnétiques assez relativement forts. Et voilà, dans certaines conditions, ils sont stables, dans notre calme, on va dire. Donc si on mettait un bout de métal et qu'on le voyait au parleur, ben, il n'y aurait rien, pratiquement. Et puis dans certaines conditions, ils sont instables, ils vont se mettre à bouger, on va dire, de façon régulière. Je peux montrer des vidéos, on les voit bouger de façon régulière, ou alors de façon turbulente. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un maximum d'informations sur cet état du plasma, essentiellement par des mesures optiques. On travaille en amont des manifs de fusion magnétique, donc c'est les tokamaks, c'est ITER. Moi j'ai travaillé 2 ans sur un autre tokamak qui est à Cadarache, au Tour Supra. Mais là j'ai une collaboration, j'y montre régulièrement. Donc en gros voilà, eux ils ont. Alors c'est pas du tout nous, on n'a pas du tout des tokamaks, on n'a pas des machines aussi grosses, mais nous c'est plus souple. Si je veux faire une manip dans 1 heure, je peux aller faire la manip. Sur un tokamak, il faut prévoir un an avance, donc c'est pas le même truc. Un tokamak, c'est une machine où on va avoir un morceau de soleil dans une enceinte. Alors ça permet d'extraire de l'énergie. Le but c'est de remplacer même les centrales nucléaires qui sont travaillent sur la fission par des centrales basé sur la fusion, donc sur des tokamaks, possiblement. Le problème, c'est que ce morceau de soleil, évidemment, c'est très chaud, il ne faut pas que ça touche les parois, et que du coup, on utilise un champ magnétique qui va contraindre ce morceau de soleil, donc c'est un plasma, dans un donut, en fait, dans une chambre à air. Ça, c'est un gros, c'est beaucoup plus gros, évidemment, mais on empêche le plasma de venir toucher les parois avec ce champ magnétique qui est dans un tore. Le problème, c'est que quand même, on a quand même du plasma qui vient de façon plus ou moins régulière lécher les parois. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, dès qu'il y a quelques particules qui fondent et qui sont arrachées par ces flux de chaleur du plasma, eh bien, en fait, ça vient contaminer le plasma central et ça s'éteint. Donc là, le problème est différent d'une centrale nucléaire où là, on a des problèmes d'emballement, la réaction. Là, c'est l'inverse. En fusion, le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive à stabiliser le truc et qu'il ne s'éteigne pas. Donc c'est un peu contraire. En plus, c'est intéressant parce que ça émet la radioactivité, ma durée de vie humaine, ce qui est plus sympa pour la gestion des déchets pour une génération. Donc voilà, moi je travaille en collaboration avec des gens qui sont directement sur de la fusion, sur ITER, sur Tor Supra. Il y a un tokamak en Angleterre, le plus gros c'est JET. Voilà, mais nous on a des recherches de physique fondamentales en amont de ces plasmas de tokamak en fait. On fait le vide dans l'endroit où on va créer ce morceau de soleil. Donc, il y a un vide assez poussé, donc il n'y a plus grand-chose. Et on va injecter un gaz, mais très très peu de gaz, par exemple de l'hélium. Et on va créer une décharge électrique. On va envoyer un courant assez important dans ce gaz. Donc on va arracher les électrons aux atomes. Et alors ça va faire des ions, des électrons qui vont se balader. Ça fait une sorte de soupe comme ça qui émet de la lumière, plus ou moins. Et évidemment, c'est instable, puisque les électrons, les ions, ils aiment bien aller se retrouver, se recombiner, donc ça a tendance, si on l'entretient pas, à s'éteindre, naturellement. Il y a un confinement magnétique beaucoup plus faible, évidemment, que sur ton supra. Vous avez des aimants supraconducteurs qui doivent faire, 7 mètres de haut. Donc là, il y a un confinement magnétique dimensionné par rapport à la manip, qui permet d'avoir une colonne de plasma. Alors là, on n'a pas un tore dans notre manip, on a une colonne de plasma droite qui va faire 1 mètre de long et qui fait à peu près, selon les manips, quelques, on va dire, 20-30 cm de diamètre. Voilà. Et c'est cette colonne de plasma qu'on va étudier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la mesurer, par exemple, facilement la densité, la température de ce milieu. Et évidemment, l'avantage d'analyser la lumière, c'est que tu vas pas toucher le milieu, tu le perturbes pas, en fait. Donc ça, c'est très intéressant, sachant que, par exemple, les grosses machines comme le tokamak ITER, qui est en construction à Cadarache, on va éviter de mettre des trucs dedans, quoi. En général, on va plutôt regarder, faire de l'observationnel, du passif, pour l'analyser et le contrôler. Donc la spectroscopie, là, a toute sa place. Et donc on va essayer de déduire des informations comme la densité, la température, des différentes espèces qui se promènent dans le plasma, son état de stabilité en particulier. C'est important aussi d'avoir une information en temps réel sur la stabilité du plasma. Donc la sonification d'expérience, c'est un truc assez ancien. Il y a ce qu'on appelle les oreilles d'or dans les sous-marins. Alors ce sont des gens qui sont habitués à écouter les signaux émis par les sonars, donc qui vont arriver à détecter, alors que pour le commun des mortels c'est un bruit, eux ils vont arriver à identifier la présence d'objets aux alentours du sous-marin, juste en analysant le son de façon très fine. Donc on a sonifié, on a transformé une information qui n'était pas normalement audible pour l'oreille humaine, hein, l'information que donne le sonar, on l'a transformée en son, et c'est l'homme qui va analyser cette information. On a aussi le compteur Geiger qui transforme une information en radioactivité, c'est une information à laquelle on n'est pas sensible, qui va la transformer en quelque chose qu'on va entendre. Bon, le son est de plus en plus rapide, le crépitement du compteur Geiger est de plus en plus rapide lorsque vous avez une radioactivité de plus en plus importante à l'endroit où vous mettez le compteur. Donc la sonification, c'est une transformation de données physiques, ça peut être très large, en quelque chose qui est audible pour l'oreille humaine. Sur la machine sur laquelle je travaille, Mistral, initialement, quand je suis arrivé il y a 11 ans de ça au laboratoire, eh bien, il y avait un chercheur qui avait déjà installé un haut-parleur, tout simplement. Ce haut-parleur était connecté à un petit bout de métal qu'on plongeait dans ce plasma. Et le plasma, c'est quelque chose de conducteur, il y a du courant là-dedans. Du coup, à chaque fois que le plasma passait devant ce bout de métal, eh bien, on pouvait potentiellement avoir un son, puisque c'était connecté au haut-parleur. Il se trouve que, dans l'expérience Mistral, les fluctuations sont dans le domaine audible. C'est-à-dire qu'on a des fluctuations de ce plasma qui sont de l'ordre typiquement de quelques kHz. Ou alors, quand le plasma est turbulent, on a... Au niveau auditif, ça correspond à quelque chose de bruit, en fait. D'accord ? Donc voilà, l'idée, c'était de poursuivre, d'aller au plus loin que cette sonification simple, et de travailler maintenant sur la lumière émise par le plasma. La lumière émise par le plasma donne beaucoup d'informations sur l'état du plasma, sa densité, sa température, sur sa stabilité. Et ce qu'on voudrait faire, c'est arriver à sonifier cette information lumineuse. Parce qu'une information lumineuse, vous êtes bloqué sur un écran, ou pas directement devant le plasma, pour voir avec vos yeux l'état du plasma, alors que si vous sonifiez la lumière émise par le plasma, ben vous avez une information qui est diffusée dans toute la salle de manip. Et donc vous pouvez par exemple vous déplacer, aller faire des réglages, et tout en sachant l'influence de votre réglage sur l'état du plasma en temps réel. On fait un plasma, c'est un gaz ionisé, on arrache les électrons aux atomes. Donc on fait quelque chose dans un milieu très dilué qui émet de la lumière, qui est assez instable, et on va étudier ce milieu en particulier par des moyens optiques. Et donc là, ce qu'on entend, le bruit qu'on entend, en fait on a mis un bout de métal dans le plasma, et c'est conducteur en plasma, donc ça, le bout de métal qu'on a mis, on l'a relié simplement à un haut-parleur. Et donc, quand il y a du plasma qui passe devant le bout de métal, eh ben, ça fait un courant qui va sur le haut-parleur. Et comme c'est quelque chose qui peut être soit... quand le plasma est turbulent, ben, c'est un signal très aléatoire. Et quand il y a des modes plus réguliers, en fait, et quand le mode est plus régulier, ben, on va entendre quelque chose qui est avec plus d'harmonie qu'on voit paraître quand on fait un spectre. Alors là, on peut arriver à des choses plus... dans certains cas, on a même carrément un son proche de la sinusoïde pure, en fait, hein, quelque chose de très régulier. Donc on a sonifié très facilement un plasma, alors c'est la version la plus simple. En fait, en fonction du son qu'on entend, le plasma, vous allez voir, est plus ou moins stable en fait. Donc ça donne une information en temps réel lorsque tu règles la manip sur l'état de ton plasma. Alors l'avantage, c'est que c'est tout à fait. Donc voilà, il y a plein d'informations. Hein. Alors on entend le son en même temps. Donc il y a un lien entre la lumière émise, le son qu'on entend. Vous voyez, il y a beaucoup d'informations qu'on peut extraire de cette lumière qu'on a dispersée, comme lorsqu'on fait rentrer la lumière blanche à travers un prisme. Hein, on arrive en regardant les pics, les rapports d'intensité, à mesurer la température du plasma, plein de choses qui sont très intéressantes. Mais quand on est devant un écran, c'est pas pareil que lorsqu'on a une information sonore. Donc l'idée, c'est de sonifier, transformer en son les spectres qu'on a vus là. Parce que ça peut être très pratique. Bon, tout ce qui est compositeur et tout, ils aiment bien avoir une matière un peu nouvelle. Alors là, effectivement, c'est un peu particulier quand même. Donc il y a un aspect artistique et puis aussi un aspect aussi de vraiment pour le chercheur d'avoir une information en temps réel la plus précise possible sur l'état de son plasma. Parce qu'il peut arriver des choses, bon, ça n'a jamais explosé, mais ça va s'éteindre. Et quand on fait des manips, c'est important d'avoir une information en temps réel. Qui plus est, si cette information elle n'est pas localisée, on n'est pas bloqué face à un écran, c'est vachement intéressant pour nous.